je veux vous présenter notre atout commercial à l'export. Un VIE, ici en Afrique de l'Ouest, qui a contribué aux 20% de croissance de notre start-up. Assalamu alaikum, mangete de Marc. Commercial memrek la baguette. Ça veut dire bonjour, je m'appelle Marc, et le développement commercial, c'est mon truc. C'est du Wolof. Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Vous vous développez à l'étranger? Comptez sur Business France pour vous aider à trouver votre talent parmi plus de 40 000 candidats référencés. Pour la relance, pensez export. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la tuerie de Cuers. Au matin du dimanche 24 septembre 1995, la France se réveille au son des informations qui tombent en boucle à propos d'une fusillade qui a coûté la vie à 12 personnes dans une localité du Var. Une tuerie d'une rare violence dont l'auteur est un adolescent de 16 ans. En une heure et demie, lors d'une déambulation meurtrière dans les rues de ce village de l'arrière-pays varois, Éric Borel, fusil 22 long rifle à l'épaule, tire froidement sur plus de 15 personnes. Ce fait divers, d'une exceptionnelle gravité, attire l'attention de toute la presse. Durant une semaine, la France est plongée dans l'histoire de ce jeune homme discret qui, la veille de la tuerie, a abattu froidement sa mère, son demi-frère et son beau-père. Mais le suicide du tueur et l'absence totale d'indices sur les raisons qui ont poussé l'adolescent à commettre cette tuerie font rapidement tomber ce fait divers dans l'oubli. Dans l'esprit collectif, en effet, le drame de Cuers, c'est le résultat d'un accès de folie d'un gamin déboussolé, biberonné aux thèses de l'extrême droite et fasciné par l'histoire du Troisième Reich. Point final. Une version simpliste qui en ajoute au malaise. Notre invité aujourd'hui, Bruno Mazzi, journaliste et enfant du pays, il est l'auteur du livre intitulé 8 kilomètres, dans lequel il retrace l'histoire et le destin tragique de l'ado et de ses victimes. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gaspard Valu, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le calme règne à Cuers dans le Var en ce matin du dimanche 24 septembre 1994, comme d'habitude. Cette nuit, l'heure d'hiver s'est invitée sur les horloges des habitants, qui de bonne heure commencent à vaquer à leurs occupations dominicales. Cuers, c'est l'un de ces villages du Var qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. C'est tout juste si l'on y prête attention lorsqu'on passe à côté par l'autoroute A57 qui relie Toulon au Massif des Morts. Ici, on est loin de l'image d'Épinal qui colle souvent à la Provence. Aux portes est du parc naturel de la Sainte-Baume, on est en plein cœur d'un arrière-pays travailleur, laborieux, celui des ouvriers agricoles cultivant des vignes qui s'étendent à perte de vue, dans un paysage magique, l'un des tout plus beaux de France et d'Europe. Un pays loin du clinquant de la côte et de ses villas de luxe, une région qu'on appelle les Terres Rouges du Var. La vie est donc paisible et sans histoire. Et ce dimanche est l'une de ces journées de septembre que les habitants du coin disent « béni ». La fraîcheur nocturne a laissé la place à la lumière chaude du soleil d'automne, un vrai parfum d'été indien dans l'arrière-pays varois, cet écrin français. Ce jour-là, c'est aussi jour d'ouverture de la saison de chasse. Alors, dans les cafés où les rideaux métalliques viennent à peine de s'ouvrir, quelques chasseurs avalent un café chaud avant de partir sur les traces du gibier qui, lui, ne porte pas d'armes en bandoulière. Seul le maquis le protège. Mais peu après 7h du matin, les coups de feu qui retentissent ne viennent pas du maquis, mais des ruelles de Cuers où l'on entend des cris d'effroi. À l'abri, certains habitants observent la scène, comme le raconte cette Cuersoise dans l'édition du matin de France Inter. On a entendu un coup de feu, on s'est mis à la fenêtre et on a vu quelqu'un qui armait son fusil, qui tirait 3 coups dans un passant. Et quand le passant était à terre, il lui a tiré un 4e coup dans la tête. On a demandé aux voisins de téléphoner aux pompiers, les pompiers sont arrivés tout de suite, mais les pompiers n'ont pas de revolver. On ne pouvait pas s'approcher du corps parce que l'autre était là, ils se sont cachés derrière leur voiture. Et après, on a entendu d'autres coups de feu qui venaient de la place. Donc on a vu qu'ils continuaient à tirer sur tout ce qui bougeait. Il y a une dame qui promenait son chien là-bas sur le jeu de boules qui a été tuée aussi. La terreur et le mot presque faible s'emparent de Kuers. Le tueur déambule hagard dans les rues du village, scène de cauchemar. Peu avant 7 heures du matin, il se présente devant la porte d'un pavillon du quartier des Rayols et abat d'une balle en pleine tête Alain Guillemette, un adolescent de 17 ans que sa mère vient à peine de réveiller. Il prend ensuite la route qui mène vers le centre du village et tire sur Ginette Violette et sur ses voisins Denise et Jean Otto. Jean survit, mais les deux femmes meurent sur le coup. Ce n'est pas fini. Arrivé au cœur de Kuers, le tireur fou s'arrête devant la maison de la presse et abat Mario Pagani, un retraité de 75 ans, d'une balle en pleine tête. Dans la rue voisine, c'est sur Mohamed Marad, un maçon, père de famille de 41 ans, qu'il s'acharne. Après lui avoir tiré une balle dans la poitrine, il braque son fusil 22 long rifle entre ses deux yeux et l'achève, froidement. Sur le boulodrome, à l'ombre des arbres, il vise ensuite André Coletta, 65 ans, qui, comme tous les matins, était sorti promener son chien. Un peu plus loin, sur la place de la mairie, il tire sur deux passants venus retirer de l'argent au distributeur automatique de la caisse d'épargne. André Touré et Pierre Marigliano meurent sur le coup. Après avoir tué Maurice Boudon et Rodolphe Incorvala, le tueur croit sa dernière victime, Pascal Mostacchi, un adolescent âgé de 15 ans. À 7h30, à peine plus de 30 minutes après le début de la fusillade, le tireur se dirige vers le collège de la Ferrage, situé en contrebas du village. Il est suivi de près par des gendarmes tout juste arrivés sur place. Et très vite, il est encerclé, pris au piège. Mais il est décidé, il ne se rendra pas. Alors, il retourne son fusil 22 long rifle contre lui et se suicide d'une balle entre les deux yeux. Il n'aura fallu que 30 minutes au tireur fou pour prendre la vie de 12 habitants du village de Kuers. Un récit macabre dont la presse se fait l'écho. Au secours, un homme est en train de tirer sur tout le monde. Il est exactement 7h20 ce matin à Kuers, lorsque le pompier de service reçoit l'appel d'un correspondant affolé. L'homme qui tire est presque un enfant, 16 ans. Il tire d'abord devant la mairie, où un homme de 75 ans tombe et où les autres passants s'enfuient. Le forcené court vers le parking. Il tire. Il passe devant la caisse d'épargne. Il tire. Il passe devant un bar. Il tire. Il court et il tire. Il arrive vers la sortie du village en direction de Toulon, sur le chemin des Charrettes. C'est là qu'il se suicide. L'état-major départemental des pompiers est appelé à son tour par la gendarmerie à 8h moins le quart. C'est très grave. Il faut monter d'urgence un hôpital de campagne sur le stade. On découvre un à un des cadavres, 8 personnes tuées sur le coup et 7 autres grièvement blessées. Le village sombre alors dans le chaos. Le calme qui règne habituellement est remplacé par le hurlement des sirènes de dizaines de camions de pompiers et de voitures de gendarmes qui convergent. L'interrogation des habitants, comme des gendarmes, est totale. Mais enfin, que s'est-il passé? Pourquoi? Qui peut être l'auteur d'un tel carnage dans ce coin reculé et tranquille de la campagne varoise? Il ne faut que quelques minutes aux gendarmes pour mettre un nom et un prénom sur le corps sans vie de l'auteur de la tuerie. Il s'appelle Éric Borel. C'est un adolescent de 16 ans. Dès la fin de la fusillade, les gendarmes tentent de retracer son parcours. Il ne leur faut que quelques instants pour faire le lien avec un autre événement dramatique, survenu la veille à Solliès-Pont, à quelques kilomètres seulement de Kuers. La presse nationale, et c'est son rôle, s'empare alors de ce drame sans précédent. Bonsoir, 12 morts, c'est le bilan officiel des tueries à Kuers et à Solliès-Pont dans le Var. En quelques heures, un adolescent a tué les membres de sa famille avant de tirer sur tout ce qui bougeait à quelques kilomètres de chez lui, Anne Gouraud. Randonnée meurtrière pour un tueur de 16 ans. Il s'appelait Éric, il était lycéen à Toulon et personne ce soir ne semble connaître les raisons de son accès de folie. L'adolescent habitait Solliès-Pont, c'est là que le drame s'est noué la nuit dernière. C'est là que le forcené a tué à coups de marteau sa mère, son beau-père et son petit frère de 11 ans. Dans la nuit du 23 au 24 septembre, les gendarmes sont appelés sur une effroyable scène de crime à Solliès-Pont, un village situé à 8 km seulement de Kuers. 3 personnes sont assassinées dans la maison familiale d'Éric Borel. Cette maison, située à l'écart du village, est typique des bâtisses du Var, avec cet épais crépi rose qui recouvre les murs et un toit en tuiles rouges, les fameux tuiles romaines de Provence. Et c'est déjà un peu l'Italie ici, avec ses couleurs chatoyantes. l'esprit des habitants est ailleurs, forcément. Et lorsque les gendarmes et le médecin légiste pénètrent dans cette maison peu après minuit, dans la nuit du samedi au dimanche, ils découvrent trois corps. Dans le salon, entre le canapé et la télé, ils distinguent un cadavre recouvert d'une couverture. C'est le corps d'un enfant d'une dizaine d'années tué d'une balle entre les deux yeux et dont le crâne a été défoncé par de violents coups de marteau ou de semelles d'une paire de chaussures épaisses. En passant la porte de la cuisine, sous un mur taché par le sang, un homme est lui aussi découvert, mort, tué d'un coup de fusil en pleine tête. Dans la penderie, qui fait face à l'entrée de la maison, c'est celui d'une femme qu'on retrouve. Elle aussi tuée d'une balle dans la tête, tapie sous un drap blanc, maculé de sang. Ces trois personnes terrassées par les balles d'un fusil 22 de long rifle sont ceux de Marie-Jeanne Parenti, Yves et Jean-Yves Bichet, autrement dit la mère, le beau-père et le demi-frère d'Éric Borel. C'est Jean-Luc, le fils aîné de Yves Bichet, qui a donné l'alerte. En rentrant chez lui, il a découvert une porte bloquée qu'il est parvenu à dégager avant de tomber sur les cadavres gisants dans la maison. Dans un premier temps, les gendarmes ne s'inquiètent qu'à moitié de l'absence d'Éric, le fils de Marie-Jeanne. Certes, c'est un potentiel témoin qu'il faut retrouver, mais peut-être est-il simplement chez son père. Alors, c'est sur Jean-Luc, le fils aîné qui a donné l'alerte, que les enquêteurs se focalisent. Le jeune homme de 21 ans, qui vient de découvrir les corps sans vie de toute sa famille, est beaucoup trop calme à leur goût. Il est emmené dans la nuit à la caserne de gendarmerie où il est interrogé. Pour l'instant, c'est bien lui le principal suspect. Ce n'est que le lendemain matin, lorsque les gendarmes sont appelés à Cuers, que les enquêteurs comprennent le drame qui s'est joué entre ces deux villages du Haut-Var, situés à seulement 8 km l'un de l'autre. Éric Borel est bien l'auteur des deux tueries. Jean-Luc Bichet est relâché. Face à cette double tragédie, les enquêteurs sont pour l'instant dans l'inconnu. Un flou qui se traduit aussi dans les médias, comme ici sur France Inter, deux jours après le drame. On ne sait toujours pas pourquoi Éric, 16 ans, s'est livré à un pareil carnage. Éric Ambrosini, vous êtes sur place à Cuers. Pour l'instant, les questions donc sont sans réponse, bien que la gendarmerie ait fait tout à l'heure un point de presse sur l'enquête qui est en cours. Et effectivement, et parmi les multiples questions, on se demande s'il s'agit en fait d'un problème familial ou d'une simple querelle de jeunes gens qui a fait sombrer ce jeune meurtrier dans une folie. La réponse n'est pas facile et les enquêteurs de la gendarmerie de Cuers, sous la direction du parquet de Toulon, mènent leurs investigations à Cuers, Solliès-Pont, mais aussi à Toulon, où l'adolescent était scolarisé. Les enquêteurs s'attachent également à déterminer avec exactitude l'emploi du temps du meurtrier entre samedi 8h et dimanche 8h, heure de sa mort, car les zones d'ombre existent. Il semble que le concubin de la mère et le demi-frère aient été assassinés samedi après-midi et que la mère ne l'a été que dans la soirée. À partir d'une heure du matin, dimanche, dès la découverte du corps, on ne sait pas ce qu'Éric a fait. La double tuerie entre Solliès-Pont et Cuers débouche sur une invasion de journalistes. Dès le dimanche 24 septembre au soir, le centre de Cuers se remplit de camions de retransmission et de reporters prêts à lancer leur duplex vers Paris. Le massacre est retentissant. Or, attentat terroriste, c'est la deuxième tuerie de masse la plus meurtrière de l'histoire moderne dans l'Hexagone. Et forcément, ça attire l'attention des médias. Et comme les enquêteurs, les journalistes cherchent à répondre à une question. Pourquoi Éric Borel, adolescent apparemment sans histoire, a-t-il commis un tel massacre? Il est le seul à pouvoir répondre à cette question. Mais il est mort, emportant ses secrets avec lui. Sans manifeste, sans revendication, sans une once d'indice probant. Alors, en l'espace de deux jours, les gendarmes interrogent plus de 70 personnes. Victimes rescapées, témoins, proches d'Éric. Toute information est bonne à prendre pour essayer de comprendre l'incompréhensible, l'indicible. Grâce à toutes ces auditions, le premier trait de caractère qui semble définir le jeune homme de 16 ans est sans aucun doute la discrétion. Certains diront même l'introversion. Dans le lycée professionnel où il a fait sa rentrée en BEP d'électromécanique, ses camarades parlent d'un gamin discret, mais bizarre, qui parlait peu et surtout qui se montrait froid et renfermé. Comme il le raconte au micro d'un journaliste de France 3 venu interroger les élèves à la sortie du lycée Sisson de Toulon. C'est quelqu'un qui est très renfermé. Bon, ben, il changeait de caractère assez rapidement. Bon, autant il rigolait, puis au bout d'un moment il se renfermait complètement, il allait dans son coin, il discutait avec personne. La semaine dernière, je me rappelle, en dessin d'art, il avait balancé comme ça, mais sans avoir l'air sûr de ce qu'il disait, j'en ai ras-le-bol de la vie comme ça. Mais comme ça, sans, j'avais pas entendu qu'il avait envie de se suicider en fait. Mais il parlait souvent de son frère quoi. Son grand frère qui était à l'armée quoi. Il le prenait comme exemple, il voulait faire la même chose que lui quoi. Ouais, il aimait les armes on m'a dit. Ouais, oui, parce qu'une fois, il nous avait ramené un livre d'armes. C'est sur sa chaîne, il avait une balle percée. Il avait mis à sa chaîne, quoi. À Saloyes-Pont, ses voisins sont sur la même ligne, lui ajoutant peut-être la politesse comme attribut. Mais lors des fouilles de la maison familiale, les gendarmes découvrent l'univers du jeune homme. Un univers violent, construit sur fond de fascination pour la Seconde Guerre mondiale et le Troisième Reich. Oui, mais voilà, Eric était certes un adolescent sombre. Mais son apparente fascination pour l'extrême droite n'explique pas les raisons de cette tuerie qui s'est jouée entre Kuers et Saloyes-Pont. Les gendarmes scrutent alors l'univers familial. Eric, 16 ans, a grandi avec son père Jackie et ses grands-parents paternels près de Limoges, dans la campagne du Limousin. Ce n'est que récemment qu'il est arrivé dans le Haut-Var pour rejoindre le foyer fondé par Marie-Jeanne et Yves Bichet. Dans cette famille recomposée, comme il en existe des milliers à travers la France, rien de particulier n'attire l'attention des gendarmes. Marie-Jeanne est une fervente catholique qui donne des cours de catéchèse dans le village, et Yves Bichet est un homme sans histoire. Alors c'est ailleurs que les enquêteurs tentent de trouver des réponses. Au cours des innombrables auditions qui suivent la fusillade, ils sont mis sur la piste d'une peine amoureuse. Une piste qui fait l'ouverture du journal de la mi-journée sur France Inter. France Inter. À Cuers, petite ville du Var, les policiers cherchent toujours à comprendre pourquoi Eric, 16 ans, samedi après-midi, a tiré sur 13 personnes avant de se donner la mort. Et depuis hier, les enquêteurs sont sur une piste sentimentale. Eric Ambrosini. Après une soixantaine d'auditions de témoins, les enquêteurs s'orientent vers l'hypothèse d'une déception amoureuse. En effet, après avoir entendu des proches de la famille qui n'ont pu donner d'éléments suffisamment déterminants, les gendarmes s'attachent à identifier et auditionner des jeunes lycéennes qui, selon la formule des gendarmes, gravitaient autour du jeune meurtrier. Selon certaines sources, Eric ressentait sa mère, le concubin de sa mère et son demi-frère, comme un obstacle majeur à la bonne marche de sa vie amoureuse. Les gendarmes exploitent donc la piste des conquêtes amoureuses de l'adolescent. Mais là encore, rien n'est très clair. Certains parlent d'une Nathalie, une fille du haut pays qui aurait récemment rompu avec le jeune homme. D'autres évoquent une certaine Caroline, la fille de son beau-père, dont il serait éperdument amoureux, mais dont la liaison ne plairait pas à leurs parents. Les enquêteurs ont beau creuser ces pistes, ils ne trouvent aucune trace d'une Nathalie dans son entourage, et encore moins d'une Caroline, fille présumée de son beau-père, qui n'avait pourtant eu que des garçons. À travers ces témoignages, le portrait d'Éric s'affine, tout de même. Le jeune homme perturbé était un affabulateur. Rien de bien étonnant pour un garçon de son âge, mal dans sa peau, et qui, par ses prétendues conquêtes amoureuses, tente de briller auprès de ses camarades. Mais de là justifier une telle tuerie? Une nouvelle piste apparaît. Les enquêteurs découvrent que Alan Guillemette, la première victime d'Éric Borel à Cuers, ne lui était pas inconnu. Il était même son meilleur ami. En tout cas, c'est ce que semblait penser Éric. Alors pourquoi l'a-t-il tué? Pour l'instant, personne ne le sait. Mais une chose est certaine, Éric ne s'est pas rendu à Cuers par hasard. Éric et Alan étaient dans le même lycée toulonnais, tous les deux en préparation du BEP électromécanique. Leur camarade de classe raconte aux gendarmes que le premier a récemment évoqué un projet de fugue qu'il doit mener avec le second. Leur objectif? Limoges et la maison familiale des Borel, là où vit son père et ses grands-parents. La piste se doit d'être creusée, et rapidement, elle est confirmée par les enquêteurs. Comme l'explique au journaliste le commandant en charge des investigations dans les jours qui suivent le drame. Pour Alan, je m'en tiendrai à ce que je vous avais annoncé ce matin, c'est-à-dire qu'il semblait qu'ils devaient partir ensemble dans la région d'origine des parents et des grands-parents d'Éric, et qu'au dernier moment, Alan se soit désisté. Alan tué parce qu'il aurait refusé de partir avec Éric vers ce père absent. Voilà pourquoi le meurtrier s'est retrouvé ce dimanche matin dans les rues de Cuers à passer sa rage sur les premiers passants venus. Bien, le projet de fugue tient la route. Mais pourquoi Eric a-t-il tué sa famille avant de s'enfuir? Et surtout, pourquoi a-t-il tué celui avec qui il devait s'enfuir? Face au refus de dernière minute de son ami, Eric aurait-il été pris d'une folie meurtrière, une folie entraînant la mort de 15 personnes? L'enquête piétine. Une semaine après le drame, la thèse de l'accès de folie semble convenir à tout le monde. Avec la mort de l'unique suspect, et sans aucune plainte déposée par les familles de victimes, l'enquête fait long feu. Les journalistes se lassent, et le village se vide des camions de retransmission qui encombraient la place principale. Seules restent les familles avec leurs morts, dans ce village marqué à jamais. Comme un soleil de fin de siècle qui se couche entre tes bras. Demain, je m'en irai peut-être. Si tu viens avec moi, viens, allons ensemble. C'est un joli soir pour mourir. Et si ta main tremble, dis-toi qu'il faut juste partir. Moi, j'irai tuer mon père. Non, je ne suis pas un ange. Et s'il faut toucher la lumière, en ces jours étranges, on ira voir au clair. Le diable veut danser. Si dans nos yeux brûle l'écume de ces océans enflammés, puisqu'ici les dieux nous condamnent. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Tristesse et émotion aujourd'hui dans la petite ville de Cuers où se dérouleront cet après-midi les obsèques de 10 personnes abattues dimanche par Eric, 16 ans. Au-delà des interrogations que toute la population continue bien sûr de se poser, l'heure est au recueillement et au souvenir aujourd'hui, comme a pu le constater Pierre Billot, notre reporter sur place. À l'entrée l'entrée du village, les voitures sont déroutées. À chaque carrefour, des policiers municipaux indiquent aux piétons la place de l'ancien château. C'est là, devant les arcades en pierre, qu'aura lieu la cérémonie. Sur le chemin, les habitants des communes voisines s'arrêtent devant la mairie pour écrire quelques lignes sur le cahier de condoléances. Le défilé n'a pas cessé depuis le début de la semaine, mais aujourd'hui c'est différent. Tout le département du Var est là pour partager le deuil. Tout à l'heure, les obsèques seront collectives. Les 10 familles ont accepté le principe. De toute façon, raconte l'une d'elles, nous ne pouvions plus attendre. Cette cérémonie, ce sera pour nous le soulagement, en quelque sorte, la fin de l'affaire. La fin de l'affaire pour les familles des victimes et les enquêteurs, peut-être. Mais pour certaines personnes, cette thèse du coup de folie ne tient pas. Enfin, comment un gamin de 16 ans, certes perturbé, aurait pu tenir plus de 11 heures dans un état second, traversant la nuit les 8 km de campagne escarpée qui mène de Solliès-Pont à Cuers. Pour tenter de comprendre ce qui a conduit cet adolescent apparemment troublé à commettre une telle tuerie, il faut se pencher sur son histoire, bien sûr, et toute son histoire. C'est le travail qu'a fait Bruno Mazzi, qui a décidé de ne pas se contenter de l'explication communément acceptée d'un coup de folie passagère. Non. Ce qui s'y raconte, l'enquête menée durant 3 ans par le journaliste, qui en 2020 raconte sa version des faits dans un livre intitulé « 8 kilomètres », comme les 8 kilomètres, bien sûr, sur lesquels a erré Éric Borel dans la nuit du 23 au 24 septembre, entre Solliès-Pont et Cuers, on l'aura compris. Éric Borel est né le 11 décembre 1978. Il est le fils de Marie-Jeanne Parenti et de Jackie Borel. Tous les deux sont militaires basés à Toulon. Elle est originaire de Corse, lui du Limousin. Leur histoire est celle qui ne dure qu'une nuit ou deux, mais elle est suffisante pour donner naissance à Éric. Comme souvent dans ces cas-là, il est un enfant non désiré. Ses parents se séparent rapidement après sa naissance et Marie-Jeanne, qui ne veut pas de ce fils, en laisse la garde au père. C'est donc près de Limoges, chez ses grands-parents paternels, que grandit le petit garçon. Une enfance heureuse. Marie-Jeanne, elle, refait sa vie avec Yves Bichet, un comptable, lui aussi séparé de la mère de ses deux premiers fils. De cette nouvelle union naît Jean-Yves, le demi-frère d'Éric. Peu après la naissance du petit dernier, Yves incite sa femme à faire venir Éric dans la nouvelle maison qu'ils viennent de construire sur un terrain de famille à Solliès-Pont. Il œuvre pour former une famille unie et heureuse. Ce qui n'est pas le cas de Marie-Jeanne. D'ailleurs, au début, elle refuse. Ce gamin est une erreur qu'elle veut oublier à tout prix. Puis, c'est à contre-cœur, presque fatiguée de l'insistance de son compagnon, qu'elle accepte de faire venir son fils. C'est un peu le monde à l'envers. Et à 11 ans, Éric quitte le Limousin pour le Var. Et c'est un choc pour le jeune homme habitué des vallons humides du centre de la France. Dans le paysage aride du Var, il se sent perdu, comme le raconte Bruno Mazzi dans son ouvrage 8 kilomètres. Le Var, ça n'est pas la campagne du Limousin avec son herbe épaisse où l'on peut se vautrer. La nature du Sud aiguise, attise, aiguillonne, irrite la peau, pousse le cerveau à ressasser parce qu'il faut marcher, avancer, regarder ses pas pour ne pas buter contre une pierre ou se prendre les pieds dans les filaments de salse pareille ou surprendre une vipère qui mordrait avant de fuir. Ce qui est devenu, depuis les congés payés de Pagnol, une carte postale de vacances, un gâteau chaud au goût d'orange posé sur un puits, est en réalité une nature où les ronces griffent, où les guêpes et les moustiques assaillent, où l'on peut, au détour de n'importe quel chemin, tomber sur une laie de 80 kilos, prête à tout pour protéger ses petits. Ces changements de paysage, de paradigme même, n'est pourtant pas la chose la plus dure à vivre pour le jeune garçon. En quittant Limoges, il abandonne un foyer aimant pour se retrouver chez une mère qui consent tout juste à reconnaître le lien biologique qui les unit. De l'amour intense de ses grands-parents, il passe ainsi à la haine de sa mère. Marie-Jeanne est une nationaliste dure, dont les récents succès électoraux du Front National dans la région semblent attiser la haine de l'étranger, la sienne, qu'elle transmet à son fils. Face à son demi-frère, Jean-Yves, enfant voulu, lui, Éric devient le souffre-douleur. Devant le reste de la famille, il est celui qu'on appelle le gros porc ou encore le petit con. Lorsqu'à 11 ans, Éric tombe d'un toboggan et se fait mal au bras, il passe des heures à se cacher pour ne pas attirer l'attention de Marie-Jeanne. C'est Yves, inquiété par son état, qui le conduit à l'hôpital. Malgré la double fracture qu'on lui diagnostique, sa mère ne fait preuve d'aucune compassion. Encore un moyen de faire ton intéressant, lui assène-t-elle. Un an plus tard, une voisine lui offre 2 poussins pour lesquels il construit un abri avec son beau-père. Mais Marie-Jeanne le menace à la moindre incartade, elle tuera les poussins devant lui. C'est dans ce contexte que grandit Eric. Alors, pour se protéger, il se renferme sur lui-même, se plonge dans un univers sombre constitué de récits de la Seconde Guerre mondiale. Il étudie avec minutie les détails de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique par les troupes allemandes, et il passe son temps à lire Mein Kampf. Il passe aussi un nombre incalculable d'heures dans la forêt qui borde la maison familiale et s'entraîne à tirer la carabine 22 long rifle qui trône dans le salon. Jusqu'à ses 15 ans, il ne fait pas de vagues. À la maison, il s'occupe de toutes les corvées. À l'école, il obtient toujours de bonnes notes. Il sait rester discret. Mais l'adolescence, qui comme chacun le sait, n'est pas la période la plus simple de la vie, vient chambouler cet équilibre précaire. Un redoublement, puis une orientation vers un BEP d'électromécanique viennent perturber la fragile routine du gamin. Et ses directions, Toulon, et une classe remplie d'élèves qu'il ne connaît pas. Alors, il se construit une image, un personnage, comme en témoigne Bruno Mazzi dans son livre 8 km. Avec une balle de 22 long rifle autour du cou, il vibre à l'idée du dépassement de soi, de la douleur, de la résignation. Eric se rêve en surhomme, en légionnaire capable de se jeter depuis un avion avec 50 kilos sur le dos, puis de parcourir 30 kilomètres dans la jungle. Il s'est forgé un mental de guerrier. Pourquoi a-t-il choisi le cliché d'une ultra-masculinité pour vivre ? Sans doute pour exister aux yeux des gens qui l'entourent. Dans cette région où l'on accorde bien plus de crédit à des bras épais qu'à une tête bien faite. Dans son nouvel lycée, personne ne fait attention à lui. Personne, sauf Alan Guillemette. Alan, c'est l'antithèse d'Eric. C'est un jeune homme rayonnant, drôle, sûr de lui, musicien dans un groupe de rock, les Black Dolphins. Il connaît les filles et les attire comme un aimant. C'est normal, quand on joue de la guitare sur scène, la guitare rock, ça marche. De manière inexplicable, Alan se prend d'affection pour Eric et une amitié se crée. Au lycée, tout le monde se demande comment Alan, le populaire, peut s'intéresser à Eric, le sombre gamin au casque audio constamment vissé sur les oreilles. Eric se confie auprès de son copain. Il lui raconte sa vie, son enfance dans le Limousin, son arrivée chez sa mère, violente, colérique, son beau-père Molasson, tout aussi maltraité que lui par Marie-Jeanne, et son demi-frère, l'enfant roi. Et c'est tout naturellement à Alan qu'il confie son envie de fugue. Ce projet, c'est son exutoire. Il a pensé à tout, dans les moindres détails. Quitter la maison familiale à bord de la vieille Citroën de son beau-père pour rejoindre Limoges, où ses grands-parents, il en est certain, seront prêts à l'accueillir. Il a tout prévu. Il a même acheté la carte routière qui doit le mener jusque là-bas. Et pour ses parents, lui demande Alan. Là aussi, il a le plan parfait. 2 ou 3 somnifères devraient suffire. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien il prendra la carabine et les tuera tous. Face à ce plan, Alan est incrédule. Il ne peut pas croire qu'Eric puisse faire ça. Et finalement, il laisse couler, tout en sachant qu'il ne compte absolument pas quitter sa région. Pour Alan, c'est une lubie qui passera, par définition. Mais il ne veut pas froisser son ami, et il ne lui dit pas clairement. C'est poussé par sa petite amie, qui est effrayée par Eric, qu'Alan tente de prendre ses distances. Eric ne peut plus attendre. Le samedi 23 septembre, en fin d'après-midi, il tue son petit frère et son beau-père d'un coup de fusil. Et c'est sur le pas de la porte qu'il attend sa mère, qui rentre de l'église. Il verrouille la maison de l'intérieur et s'enfuit en direction de Cuers et de la maison d'Alan. Et là, durant 11 heures et sur plus de 8 kilomètres, il erre dans les champs et à travers la campagne varoise. À 7 heures du matin, son odyssée macabre débute à Cuers. De cette tragédie qui s'est jouée sur les terres rouges du Var, il ne reste plus grand-chose. Rapidement oublié par des médias focalisés sur l'arrestation d'un placeur de bombes qui terrorise la France, le souvenir de cette tragédie semble s'être perdu, comme enfoui dans notre mémoire. sans plainte déposée et sans possibilité d'éclaircir les raisons de ce massacre, les autorités classent rapidement l'affaire. L'envie d'oubli est même si grande qu'il faudra attendre 2009 pour qu'une stèle commémorative soit installée à l'entrée de la mairie de Cuers. Une plaque pas plus grande qu'un cahier d'écolier. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la tuerie de Cuers, dont nous allons parler avec notre invité Bruno Mazzi. Bonjour. Bonjour. Alors, les auditeurs viennent d'entendre, j'ai cité votre nom au moins 10 fois, puisque vous êtes journaliste, enfant du pays et surtout auteur du livre intitulé 8 kilomètres dans lequel vous retracez bien sûr l'histoire et le destin tragique de l'ado et de ses victimes, évidemment. La première question que l'on se pose au-delà du factuel est la suivante. Cette tuerie aurait-elle pu être évitée? Elle aurait pu être évitée si les signaux d'alerte qu'Éric Borel avait lancés autour de lui avaient été entendus. Mais peut-être aussi qu'à l'époque, ils étaient inaudibles. Il n'y avait pas les structures, accompagnement telles qu'on pourrait le connaître aujourd'hui. Et le corps enseignant avait bien senti que c'était un garçon perturbé, qui vivait dans une condition, comme vous l'avez très bien raconté, familiale difficile, mais n'avait pas pris forcément la mesure de sa détresse. Et une chose qui paraît étonnante également, c'est l'absence de plaintes déposées par les familles de victimes. Comment analyser ça? Et en même temps, c'est vrai que les choses sont dramatiquement simples. Un gamin qui tue tout le monde. Les gens se disent, pourquoi porter plainte? Mais en même temps, ça paraît étonnant quand même. Mais en fait, on a changé d'époque. On a complètement changé d'époque. Si on prend par exemple les attentats qu'on a connus en 2015 à Paris ou en 2016 à Nice, par exemple, il y a eu des dépôts de plainte, alors que par exemple les auteurs en grande partie étaient morts, notamment à Nice. Ça permet notamment aux victimes d'accéder et à leurs défenseurs, les avocats, d'accéder au dossier. Mais ça, c'était une autre époque. On a changé. Ce qui est très intéressant aussi dans l'affaire de Cuer, c'est que ça se passe en 95. L'événement, la tuerie, est encadré par deux autres événements qui sont très importants. C'est l'attentat du RER à Paris. Oui. Et une semaine après, c'est l'arrestation et la mort de Khaled Khalkhal, qui en est un des auteurs. Et à cette époque-là, on vit un changement dans la prise en charge des victimes. Cuer, c'est la première fois, après les attentats, l'attentat du RER B, où l'on met en place... C'était un mois avant, un mois et demi. En mois de juillet, fin juillet. Ouais. Où on met en place une cellule d'aide psychologique. C'est la première fois à Cuer que l'on fait ça. Maintenant, on connaît ça par cœur, mais c'est la première fois. Et personne n'y va pendant 6 mois. Et donc, on passe un cap où finalement, les victimes et la justice, c'est le cas aujourd'hui, elle est aussi bien pour juger des présumés innocents que pour rendre justice à des familles. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et un autre événement, un élément qui joue aussi dans le fait qu'il n'y a pas de plainte, c'est qu'on est dans une région, comme vous l'avez raconté, qui est une région encaissée, qui est faite de gens qui sont des travailleurs. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut faire très rapidement? On veut oublier. Alors on n'oublie pas, c'est pas vrai, on n'oublie jamais. On fait semblant d'oublier et on ne parle pas. Ouais. Vous êtes un enfant du pays? Oui. J'ai grandi à Toulon, à côté. À Toulon, vous connaissez bien Cuers? Oui, très bien. À quoi ressemble Cuers en temps normal? C'est saisissant parce que il y a le temps normal et le temps du drame. Cuers, c'est combien d'habitants? À quoi ça ressemble? À l'époque, on est autour de 9000 habitants. C'est une petite ville, en fait. C'est une petite ville. Alors, c'est une région très particulière. Moi, j'ai grandi entre Toulon et le Var, Salerne, qui est à 80 km au nord de Toulon. Donc, je connais plutôt bien la route pour y aller, pour y travailler tous les week-ends. Et c'est vraiment un gros village qui borde l'autoroute. Vous voyez, au milieu des vignes, donc dans cette terre rouge, parce que c'est une terre chargée de bauxite. Donc il y avait des mines, des carrières dans le nord du Var pour en extraire la pierre. C'est une terre qui est marquée par le labeur en dehors, qui est à 15 km de la mer, mais en fait qui est très différent du bord de mer de hier. Ça a strictement rien à voir. Donc c'est une bourgade encaissée, battue par le vent. Le Mistral joue beaucoup aussi là-bas. Les gens sont frappés par le vent de 100 jours. Marche courbée, ouais. Puis il fait super froid. Donc c'est vraiment une ville d'ouvriers, de gens attachés à leur terre, de gens assez taiseux. Vous l'avez dit, chasseurs aussi. Mm-hmm. C'est une ville dure. C'est une petite ville difficile, avec aussi beaucoup de gens qui sont venus s'installer là et qui vont travailler toute la journée à Toulon. Et peut-être que ces gens-là ne sont pas enclins naturellement à se pencher sur les problèmes psychologiques des gamins. Les gamins, faut qu'ils aillent à l'école, faut qu'ils bossent, c'est ça en fait. C'est ça, c'est complètement... C'est pour ça que je voulais en venir là, pour savoir le contexte. Ouais. Bah c'est en fait, vous voyez, c'est on va à l'école, puis si ça marche pas, bah tu vas aller travailler, puis voilà. C'est comme ça. Exactement. Parlons de l'univers familial d'Éric, évidemment, mais avant, on va écouter une archive dans laquelle on entend les deux fils du beau-père d'Éric, Yves Bichet, d'accord? Pour Jean-Luc et Franck, rien n'avait changé récemment à la maison. Leur père, c'est-à-dire le beau-père d'Éric, était toujours le même, jamais violent avec lui. Il arrivait à donner des corrections normales, mais pour tout ce qui était éducation à l'Éric, c'était sa mère. Là-dessus, c'est clair, c'est toujours désengagé de l'éducation d'Éric. C'est pas lui qui était chargé des corrections. Bon, évidemment, quand il y a quelque chose de grave qui se passe à la maison, comme dans toutes les familles, je suppose, sans plus. 5 jours après le drame, Franck et Jean-Luc ne comprennent toujours pas ce qui a pu motiver la folle nuit d'Éric. Selon eux, ils n'étaient pas spécialement attirés par la violence. Cette fameuse croix gammée, c'est vrai ou c'est faux? Je réponds maintenant. Je suis désolé, mais je dirais là-dessus, veto. Voilà, alors ça c'est une question importante. Est-ce qu'il est vraiment fasciné par le Troisième Reich et sa violence? Est-ce que sa mère, dont on dit qu'elle était proche du Front National, ça s'appelait comme ça à l'époque, pourrait avoir une responsabilité morale dans cette violence-là? Je crois que la responsabilité, elle est collective. Elle est d'abord familiale, vous avez raison. C'est une famille de nationalistes. ils ont soutenu le candidat Front National à Souliès-Pont, par exemple, quelques mois auparavant, puisqu'il y a des élections municipales en juin 95. C'est une famille de nationalistes. Effectivement, Marie-Jeanne Parenti est raciste, elle le dit haut et fort, elle le clame, hein, elle supporte pas les Arabes, elle le dit. Eric aussi, il le dit en classe, il le dit à ses copains. Ouais. Il traite ça d'arabe. Donc oui, il est raciste, mais il est pas néo-nazi. Ce n'est pas un néo-nazi. Il est fasciné par l'histoire, il est intrigué, il est dans cette culture masculine à l'excès, telle qu'on peut la par moment la valoriser dans ce coin de France aussi. Mmh. Mais ce n'est pas un néo-nazi, il n'y a pas de croix gammée dans sa chambre. Donc cette théorie n'a rien à voir avec une idéologie apparemment. Non, c'est un drame intime, hein. Oui, et puis c'est pas du tout, on n'est pas dans une famille d'idéologues là, pas du tout. D'accord. Cette Marie-Jeanne, elle est dure quand même. Elle est extrêmement dure, elle s'est découvert une passion pour la religion, mais soudaine, hein, il y a quelques mois auparavant, avant qu'elle trouve la mort dans cette tuerie. Mm-hmm. Elle est très bigote, elle anime le catéchisme, et elle est d'une violence folle avec Eric. C'est le nœud, hein, c'est le nœud de l'histoire, c'est la relation entre la mère et son fils. Ouais. Un fils qu'elle ne veut pas, qu'elle récupère contrainte et forcée, sur lequel elle va faire peser la responsabilité de tous ses échecs. Ouais. C'est un petit Cosette, en fait, quelque part. Dans mais complètement, ouais, complètement. Et qui vit mal le déracinement du Limousin où il était heureux. Ah oui, qui vit mal aussi la distance avec son père, hein, qu'il a jamais connu. Moi, j'ai contacté son père, j'ai retrouvé. Il a refusé de me parler. Parce que pour lui, il avait tiré dès sa naissance un trait sur la vie de son fils. Et c'est pas franchement, si je continue la même métaphore hugolienne, c'est pas forcément les Thénardier, parce que le beau-père, lui, c'est un bon beau-père apparemment, non? C'est un bon beau-père, c'est un homme travailleur qui est comptable dans des entreprises, voilà, qui se donne du mal et qui a élevé deux garçons, enfin voilà, qui sont tout à fait insérés, qui sont très très très conformes à ce qu'on peut en attendre. Mais c'est à un moment aussi un point de rupture dans une famille qui est peut-être moins portée sur le dialogue. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Indochine qui chante College Boy, ça fait penser à Eric qui est parti au lycée à Toulon. J'apprends d'ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. I want to see you. See you. Bruno Mazzi, nous continuons à parler de cette tuerie de Cuers. Dans votre livre, vous parlez du médecin légiste qui a autopsié le corps d'Éric. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces constatations, ce qu'on n'a pas abordé pendant le récit? Oui, Jean Rivollet, c'est à l'époque, c'est le médecin légiste de Toulon. C'est lui qui a autopsié Yann Pia, la oui. députée qui a été assassinée. Mm-hmm. C'est 2500 autopsies. Enfin, c'est vraiment un personnage local, avec une faconde du Sud. Donc, au cours de l'enquête, je l'ai rencontré. On a déjeuné ensemble plusieurs fois pour qu'il me raconte ce qui s'est passé. Et donc, très vite après la tuerie Cuers, tout de suite, il y a eu des rumeurs. Est-ce que Éric Borel s'est vraiment suicidé? Comment on se suicide avec une vingt de long rifle entre les deux yeux? Mais certains ont entendu un hélico. Est-ce qu'il n'a pas été tué par des gendarmes, etc. Et donc, pour tuer la rumeur, Jean Rivollet va procéder à l'autopsie en premier d'Éric Borel. Et donc, il me raconte ça. Je le mets dans le livre. En fait, il ouvre le corps et là, il est stupéfait car, tel qu'il le dit avec ses mots, le corps était pourri. Donc, il en revient pas. Il appelle la médecine légale à Paris pour demander avis à un collègue et donc les deux concluent finalement à un accès de fièvre, un accès spontané de fièvre. D'accord. Et qu'en fait, il aurait pu monter à 41 degrés, ce qui expliquerait l'état de décomposition de son corps qui est en fait déjà très très avancé. Alors, il y aurait une lueur d'espoir. Enfin, moi, quand j'ai déroulé le récit, je me disais, ce jeune Alan aurait pu être justement un vrai copain qui aurait pu le sauver de ce destin. Et non, malheureusement. Mais ce gamin, il est bien, Alan. Est-ce que c'est un soutien pour lui? C'est un vrai soutien, mais c'est comme vous l'avez dit dans le récit, Eric, c'est l'obscurité, et Alan, c'est la lumière. Ouais. Alan, il joue dans de la musique, il a du succès auprès des filles, il est beau, il est blond, il est affable, et quand il voit arriver Eric, il lui tend la main, mais finalement, un peu par dépit, il a envie de le soutenir. Et Eric en fait son meilleur ami, ce qui n'est pas vraiment réciproque. Mais néanmoins, il tisse une amitié et très rapidement, Eric va l'emmener dans son délire de « on va fuguer ensemble ». Et peut-être l'erreur d'Alan, c'était un jour de dire « ouais, pourquoi pas ». Ouais, mais enfin, en même temps, il a 15 ans, quoi. Ouais, hein, donc voilà, on peut comprendre qu'il soit pas envahi de soucis, de préoccupations. Là, qu'est-ce qu'il va faire, mon copain, par rapport à sa famille, on peut le comprendre aussi. Oui, mais ça aurait pu être une bonne voie, Alan. Eric aurait pu, en suivant la trace d'Alan, partir dans une voie. Je vais pas faire de l'Uchronie, hein. Le drame, il existait, il est là, mais bon. Peut-être que voilà, ça aurait été une bonne voie, mais ça n'a pas fonctionné. Mais très certainement qu'Alan l'a soutenu autant qu'il a pu à l'époque, oui, sûrement. Alors comment avez-vous travaillé pour faire votre enquête? Vous êtes mis dans la peau d'Éric, si je puis dire, hein, pour retracer cette nuit tragique. Oui, ça a été assez compliqué parce qu'en fait, je suis parti dans l'idée de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 km et ces 11 heures? Et même si c'est un coup de folie, le coup de folie, s'il commence à 20 heures, est-ce qu'il redescend pas? Qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, Rivollet, quand il arrive dans la maison des parents le soir, le médecin légiste, dit aux gendarmes, allez faire un tour dans les champs autour, vous allez tomber sur le gamin, il s'est tiré une balle au pied d'un arbre. Parce que un tel accès de colère, de violence, au moment où on revient à soi, on se tue. Et en fait, il a marché, il a déambulé. Et en recoupant, il m'a semblé que il avait très certainement pisté, refait le chemin d'Alan, qui était en début de soirée avec sa petite amie de l'époque, fille de gendarme. Son père d'ailleurs sera le premier à rentrer dans la maison. Il est rentré en voiture jusqu'à Cuers. Je pense qu'il a vu Alan rentrer en voiture. Et puis il s'est dirigé vers sa maison. Et au petit matin, il a sonné, pensant sans doute qu'Alan viendrait. Bon, finalement, il a dit non, mais peut-être qu'il va changer d'avis, qu'il viendra. Et Alan a dit non et il l'a tué. Toute dernière question, est-ce que la mémoire, vous dites on n'en parle plus à Cuers, mais c'est encore dans toutes les têtes. Est-ce qu'il y a une volonté vraiment qu'on n'associe plus le nom de Cuers, de cette petite ville, au drame? Vraiment Je crois que depuis longtemps, ils ont envie de ça, et c'est d'ailleurs plus le cas. On se souvient de la tuerie une fois par an, pour la commémoration. Avec la stèle, bien sûr. Commémoration, et puis c'est tout. Bien, merci infiniment, Bruno Mazzi. Merci pour toutes ces précisions autour de cette enquête et autour de ce drame. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la tuerie de Cuers, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Alix Barrois.